Eh bien, bonsoir, très chers auditeurs de Radio Galère, et bienvenue dans le premier numéro de Débattons d'Anguirou de la saison 2012-2013. Cette émission, vous le savez, de variétés culturo-footballistiques, est consacrée au débat et à la découverte. Après le succès rencontré en fin de saison dernière, Radio Galère nous a accordé sa confiance et c'est ainsi que nous vous retrouverons bimensuellement les second et quatrième lundis à partir de 21h30. Cette année, nous évoquerons bien des sujets et nous remettrons quelques pendules à l'heure. Nous ferons entre autres la Chine et les Balkans, l'Italie et le Tadjikistan, nous parlerons de Luther Blissett, du punk, du mondial antiraciste, etc. Nous remplirons toutes nos rubriques, cinéma, politique, littérature, philosophie et j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, nous jouerons. Si vous ne connaissez pas le sommaire de l'émission de ce soir, nous invitons à consulter notre blog http://debattonsdanguirou.posterousse.com. Ici Manuel Amor, et pour l'heure, laissez-moi vous présenter le dispositif DBDGR qui vous accompagnera toute cette année. Cette semaine, il est malheureusement amputé de sa pierre angulaire, j'ai nommé Brett Sinclair, mon habituel binôme. Actuellement en reportage en Italie, nous espérons l'avoir en duplex d'ici la fin de l'émission. Mais le reste de l'équipe est bien présent, à commencer par le docteur Lehmann, ancien chorégraphe reconverti dans la géopolitique. Bonsoir docteur. Bonsoir mon cher Manuel. Donc je vais continuer cette présentation du dispositif Débattons d'Anguirou avec notre duo de commentateurs de choc, le shérif Bradley Morel, spécialiste, et Magic Douima, dit l'homme au crochet magique. Nous les retrouverons dans un instant en direct du Talakt Stadium de Dublin où se déroule actuellement un match comptant pour la 27e journée du championnat de la République d'Irlande, le derby dublinois qui oppose les Shamrock Rovers FC, double tenant du titre et actuellement 4e du classement, et les Bohemians FC, le grand rival, un peu en perte de vitesse ces dernières années. Avant de nous y rendre, un premier mot pour vous présenter notre invité de ce soir. Jérémy Chaplin est facteur à Marseille, mais aussi musicien et fin connaisseur de l'Irlande, notamment du point de vue touristique. Il interviendra à ce titre tout au long de l'émission pour évoquer avec nous la question irlandaise. Nous notons, et nous l'en remercions, la présence en régie de Sébalon l'installeur, qui interviendra quand bon lui semblera. Nous vous invitons enfin à nous appeler au studio de Radio Galère au 04 91 08 28 15 pour nous faire part de vos commentaires et impressions. Il est grand temps maintenant de nous rendre à Dublin. Shérif, Magic, vous nous entendez ? Oui, on vous entend très bien ici au Talakt Stadium dans une ambiance tout à fait dingue et un match, écoutez, j'avais jamais fait encore les matchs britanniques, disons, du Royaume-Uni ici à Dublin, c'est d'enfer, ça y va quoi sur le terrain, les mecs qui se donnent entièrement, écoutez pour l'instant toujours 1-0 pour les Bohemians, un but de Oradjis, je crois qu'il se prononce Oradjis, et une nette domination pour l'instant des Bohemians, à vous la parole. Merci Magic, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la météo à Dublin, l'état de la pelouse, comment est le stade? Écoutez, depuis que je suis arrivé sur cette terre irlandaise, il me semble y avoir un grand taux d'humidité, mais je ne saurais distinguer si c'est de la pluie ou si c'est normal. Et on entend que vous, mais où est votre acolyte, le shérif? On aimerait bien avoir ses impressions aussi sur cette première mi-temps. Eh bien, écoutez, on s'est quitté cet après-midi à 16h à l'aéroport de Dublin, et depuis, je ne l'ai pas croisé. Je sais pas où il est. Bon. Donc vous évoquiez donc le football britannique, mon cher Magic. Donc on va quand même essayer de relever un petit peu le débat. Oui, bon, un petit donc, peu. Voilà, la République d'Irlande n'est pas dans le monde britannique. Hein, pour nos chers auditeurs irlandais, un petit peu blessés, mais nous vous comprenons. Voilà, ils parlent très souvent la langue britannique. Hein, donc voilà, peut-être que vous confondez aussi avec le gaélique. Le Royaume-Uni. Non. Connaisseur de l'Irlande, je me permets de faire une petite intervention. Bien sûr, Jérémy, allez-y. Voilà pour dire, en fait, non, ce n'est pas vrai. L'Irlandais, en fait, n'est ni britannique ni royaume-unique, puisqu'il est tout simplement irlandais de sa propre république. Voilà. Bon, Magic, tenez-vous là pour dit. On espère que vous allez avoir des nouvelles très bientôt de votre ami le shérif. Et puis que vous nous donnerez un peu des nouvelles un petit peu plus précises de ce match avant la fin de la mi-temps. Et alors comment ça joue tout de même? Est-ce qu'on voit du beau jeu ou plutôt un jeu un jeu un petit peu viril, hein. On connaît nos amis irlandais, on connaît leur fighting spirit, la tradition du kick and rush. Donc, vous en pensez quoi, mon cher Magic ? Écoutez, mon cher docteur, le football espagnol semble s'être étendu et semble être connu désormais un peu plus en Europe, y compris dans cet endroit du monde qui n'est ni le Royaume-Uni, ni la Grande-Bretagne, ni... mais tout simplement l'Irlande. Et on assiste à une sorte de football où le kick and rush reste l'esprit, mais avec un peu plus de finesse technique. Voilà, écoutez, ça joue très vite. En tout cas, dans l'engagement, c'est toujours aussi costaud et c'est assez impressionnant. Et merci, Magic. Donc, vous nous confirmez, avant la fin de cette première mi-temps, le score de 1 but à 0 pour les Bohémiens sur le terrain des Shamrock Rovers. C'est bien ça, hein ? Tout à fait. Tout à fait, mon cher Manuel Amor. 1-0, but de O'Richie, je crois. Oui. O'Richie. D'accord, ça déjoue déjà tous les pronostics. Hein. Là, j'avoue que bon, c'était pas attendu. Comme je disais dans votre introduction, les Bohemians qui ont un passé glorieux, hein, quand même un grand nombre de victoires en Coupe d'Irlande, grand nombre de victoires en championnat, et qui depuis quelques années se cherchent un petit peu. Ils se cherchent un petit peu. La formation sur laquelle ils ont beaucoup misé ces derniers temps tarde un petit peu à prendre. La relève. Oui, c'est possible que aussi en tant que Bohemians, il n'est pas toujours forcément des lieux d'entraînement appropriés. On pourra souligner que les Shamrock Rovers, de la même manière, sont aussi quelque part des vagabonds, étymologiquement bien sûr, nous rappelons que Rover signifie vagabond. Donc bon, de ce côté-là, match nul, mais bon, sur le terrain, visiblement, comme nous dit Magic, les Bohemians ont pris l'avantage. Magic, justement, nous allons vous redonner la parole. On avait vu un petit peu avec vous en préparant cette émission que vous souhaitiez évoquer les grands événements qui ont marqué l'été 2012 et vous souhaitiez voilà, revenir sur un certain nombre de sujets et docteur, je crois que le Magic voulait en premier lieu revenir sur l'Euro de football qui s'est déroulé cet été au début de l'été en Ukraine et en Pologne et en particulier sur le cas de l'équipe d'Italie et de son avant-centre Mario Balotelli. Magic. Oui, alors écoutez, j'étais effectivement juste après notre dernière émission où nous avions eu l'occasion d'aller voir le match Pologne-Russie, j'ai eu l'occasion d'aller voir d'autres matchs et notamment un match d'Italie. Écoutez, Mario Balotelli, c'est quelque chose, Super Mario, c'est un grand joueur et simplement je pense que c'est quelqu'un qui reste un peu immature, un peu jeune dans sa tête et qui a du mal à se tenir sur un terrain et aussi en dehors du terrain, mais je ne vous apprendrai rien en dehors de tout ça. Mario Balotelli, il a sauvé plusieurs fois l'Italie déjà et c'est déjà une grande chose. Je crois qu'il y a beaucoup d'Italiens qui l'aiment, qui l'adorent même et c'est ce genre de joueur qu'on peut adorer complètement parce que c'est justement quelqu'un qui a beaucoup de caractère, ça c'est sûr. Et il ne laisse pas les Italiens insensibles et pas les Italiennes en tout cas. D'accord, merci Magic pour ces petites précisions. Hein. Donc voilà, vous évoquez ce cas de Balotelli. Alors, vous l'avez évoqué très finement en tant que fin connaisseur de l'Italie. On se souvient de votre performance à Giuseppe Meazza d'ailleurs, hein, et cette trattoria éventuellement. Partagé avec votre charmante compagne de l'époque. Plus précisément, ce soir, Magic, nous aimerions aussi vous interroger sur un événement fort, un événement très fort de cet été dernier, un événement auquel vous n'avez pas été insensible, à mon avis. Il s'agit donc des JO de Londres et du parcours de l'équipe de France féminine, ainsi que de celui de l'équipe de France paralympique à 5, donc des aveugles. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces deux performances assez extraordinaires hein, qui nous ont touchés, nous, et vous, Magic, qui étiez au cœur de l'été, qui avait cet été du temps ? Oui, alors écoutez, j'ai effectivement vu, pas tous les matchs, mais un grand nombre de matchs de l'équipe de France féminine et aussi de l'équipe de France pour le football paralympique. Ce qui frappe énormément, vous savez que dans les JO paralympiques, le football se joue les yeux bandés. Les yeux bandés, ça ne vous rappelle pas. Ça ne vous aura pas échappé. Et ce qui est intéressant de constater entre des hommes qui jouent les yeux bandés et des femmes qui jouent au football, eh bien, on a une espèce de tranquillité toute douce. Et ça va aussi vite, ça saute aussi haut, ça se cogne doucement. C'est très beau à voir. Je pense qu'on devrait, au niveau de la FIFA, proposer des matchs mixtes, handicapés contre femmes. Je pense que ça pourrait plaire. Vous n'êtes pas loin du dérapage, mais vous restez sur une crête qui vous va bien. Oui. Et maintenant, le sujet suivant que vous vouliez évoquer. Bon, on s'ignore attendre tout de même la performance de l'équipe de France féminine, oui. Tout de même demi-finaliste du dernier. Qui a échoué pour la médaille de bronze. Hein, qui a échoué pour la médaille de bronze. Et la médaille d'argent de l'équipe paralympique à 5. Tout à fait. Aveugle. Le sujet suivant que vous vouliez évoquer, Magic, est beaucoup plus douloureux, vous le savez, puisque cet été, nous avons perdu un confrère. Et que le monde du football est donc en deuil. Et vous vouliez nous parler un petit peu, parce que je sais que vous l'avez côtoyé de nombreuses années dans plusieurs rédactions, de Thierry Roland. Oui, alors je ne l'ai pas côtoyé directement dans le milieu professionnel, mais effectivement, j'ai une tante qui a fait des ménages chez lui, et c'est comme ça que je le connais. Écoutez, c'était quelqu'un de très honnête. Pour vous dire toute la vérité, ma tante m'a toujours dit qu'il payait à l'heure, tous ces petits salaires de ménage. Moi, je l'aime bien comme ça de loin, mais je crois que c'est un personnage assez sulfureux, en tout cas sur le plan domestique. Évidemment, je tiens à lui rendre hommage, car au niveau professionnel, écoutez, ça a été un modèle pour beaucoup. Et en tout cas, jusqu'à mes 12-13 ans, à l'âge où je comprends les rapports entre les individus, ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc un personnage controversé, s'il en est, que vous appréciez. À propos de personnages controversés, un des autres moments forts de l'été, mon cher Magic, c'est le transfert du mal-aimé, puis du sauveur, de ce fameux Brandão. Le transfert de Brandão à l'association sportive Saint-Étienne, les Verts au cœur de l'été. Magic, pouvez-vous nous en dire plus, vos états d'âme sur le sujet? Oui, tout à fait. Écoutez, je suis allé mener l'enquête cet été même, juste après le transfert de Brandão à Saint-Étienne même. J'ai rencontré des tas de gens, et notamment dans le staff du club de Saint-Étienne. Une chose qui, je ne sais pas si on peut décemment le dire à la radio comme ça, mais une chose qui frappe, c'est qu'il y a eu un certain nombre de Brésiliens qui sont déjà passés à Saint-Étienne, notamment Ilan. On se souvient d'Alex aussi. Tout à fait. Et ils ont tous un point commun. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous suivis, soit psychologiquement, enfin un psychothérapeute, soit par un médecin qui pratique plutôt des médecines douces, etc. Donc ce sont des gens, je crois, qui, arrivant à Saint-Étienne, ne se rendent pas compte de l'endroit où ils tombent et n'ont pas conscience totalement de ce que c'est qu'un chaudron stéphanois. Et je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose dans l'air, quelque chose qui les attire dans ce club, mais je pense que c'est beaucoup lié à leur psychologie. Alors, puisque vous évoquez les transferts, je sais aussi que vous avez envie d'évoquer encore un autre personnage controversé. C'est le cas Joey Barton, qui a déposé ses valises à la fin de l'été sur la Canebière et qui espère, d'après ses dires, s'imposer à l'Olympique de Marseille. Oui, alors Joey Barton, On commence à le connaître ici à Marseille, il vient de débarquer, comme vous venez de le rappeler. Je suis allé mener l'enquête tout récemment, il y a 3 jours, dans un fameux bar ici à Marseille qui s'appelle le O'Brady's, qui est en fait un pub irlandais, pour essayer de questionner cette chose-là, à l'arrivée de Joey Barton. Tout le monde le déteste déjà, a priori. Dans les pubs irlandais. On a essayé de le faire venir, mais apparemment vu l'accueil comme ça, ça ne s'est pas fait. Écoutez, moi personnellement, je ne l'ai pas encore rencontré. Je l'ai déjà vu jouer. C'est un joueur techniquement qui a sa place aujourd'hui dans l'Olympique de Marseille. Je le trouve un peu prétentieux. Je crois qu'il arrive un peu en pays conquis. Je crois qu'il ne connaît pas tout à fait les clubs et les différents ressorts qui peuvent muer ce club. J'attends de voir un petit peu les prochains matchs pour pouvoir m'exprimer un peu davantage sur ce joueur. Merci Magic. Pour finir, un sujet auquel vous êtes extrêmement sensible, car on vous sait en même temps amateur de sport, de jeunesse, d'éducation populaire et de vie associative. Et donc vous aviez vraiment envie de nous parler du programme de la nouvelle ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Un programme ambitieux que bon, vous n'allez pas le détailler non plus. Un programme riche qu'on va pas s'efforcer de détailler, mais sur lequel vous allez une nouvelle fois vous livrer quelques commentaires bien sentis dont vous avez le secret, non dénués d'arrière-pensée éventuelle. Oui, tout à fait. Le ministère des Sports a de grands projets pour l'avenir. On est tous au courant des projets de contrats de génération, vous savez. Et il est question d'appliquer ce genre de statut juridique, y compris dans les contrats professionnels. Alors ça nous concerne un peu plus directement dans le football. Et ce serait le moyen, apparemment, de contrecarrer le marché des transferts par des espèces de contrats de génération qui seraient déchargés fiscalement. Vous savez qu'aujourd'hui, la fiscalité, depuis la taxe sur les droits à l'image, a beaucoup augmenté pour les clubs et ça les rend d'autant moins compétitifs sur le marché des transferts en Europe. Et grâce à cette petite astuce juridique, les clubs pourraient retrouver un petit peu de marge de manœuvre financière pour pouvoir acheter des joueurs un petit peu en Europe. Voilà. Très intéressant, Magic, merci. Sur ce sujet. Oui, à moins que quelqu'un de nos invités puisse ou veuille développer cet aspect des contrats de génération, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit. On va mener l'enquête vraiment. On va mener l'enquête, hein, Magic, à lever un lièvre, comme on dit. Et comment ? Mais docteur, oui, c'est une vrai. Une question, me turlupine. Magic normalement est associé au shérif. Ouais, quid du shérif. Quid Magic. Du shérif. Oh là là là là, 2-0, 2-0. Excusez-moi, j'avais pas regardé le. Il y a 2-0 pour les Bohemians de Dublin. Alors le premier but, contrairement à ce que je vous avais annoncé, avait été marqué par Devani, et le second à l'instant de la tête sur un bon centre de O'Brien, c'est le même joueur. J'avais pas vu, j'étais en train de vous parler. C'est donc un doublé de Devani à la 45e minute de jeu. Voilà les Bohemians qui mènent 2-0 face aux Shamrock Rovers de Dublin. Merci Magic. Écoutez, je crois que c'est la mi-temps, non ? Oui, tout à fait. Et ça vient de se finir et à l'instant même, c'est la mi-temps actuellement. Et j'espère que vous allez en profiter pour prendre un petit peu des nouvelles de votre collègue le shérif. On s'inquiète un petit peu, nous, ici, à Cognac G. Allô ? Allô ? Shérif ? Allô ? Oui, shérif. Docteur, c'est vous ? Oui, c'est moi, shérif. Ça me fait plaisir de vous entendre, docteur. Nous étions inquiets, shérif. Moi aussi, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Je vous salue d'abord. Je salue les auditeurs également. Je n'ai pas du tout entendu ce que vous avez dit avant. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Juste, j'avais fait des efforts. Ça me faisait plaisir de traverser la Manche d'abord, puis la mer d'Irlande, pour aller en Irlande, qui n'est pas du tout en Grande-Bretagne, bien sûr. Tout ça, ce sont des choses que parfois on peut dire. Quand on s'emporte un brin. Bref, j'avais fait tous les efforts possibles et donc je me suis rasé le crâne et je m'étais comment dire, fourni en photo officielle du pape, de plusieurs papes. Hein. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, pas de jaloux. J'avais du John Paul II, du Benoît XVI, du Pie VII, qui c'est beaucoup moins drôle d'ailleurs en anglais, mais c'est comme ça. Bref, j'en avais toute une dizaine comme ça et puis je me suis approché près du stade et puis évidemment, je me suis mis à déchirer mes photos du pape, comme on fait en Irlande, enfin du moins c'est ce que je croyais. Et figurez-vous qu'à cet instant-là, je venais de quitter Karim qui était en train de discuter avec tout un tas de supporters plus en délire les uns que les autres, plutôt affables, hein, il faut le dire. Et tout à coup, donc, on s'était un peu séparés et je me suis vu, comment dire, submergé par une foule de policiers. C'est comme ça qu'on appelle ça ici en Irlande. Policemen. Des policemen, tout à fait, Manuel. Les padises. Parfois des padises aussi, on appelle ça comme ça. Et d'ailleurs, vous allez voir, on y arrive. Bref, ils m'ont mis vite fait manu militari. Dans un camion, une fourgonnette, et hop là, vas-y que je te... Et je vous téléphone donc du commissariat central de Dublin. Et bon, pas d'inquiétude, docteur, tout va mieux. Financièrement, aucune inquiétude, hein, vous inquiétez pas, shérif. La caution est chère, mais c'est pas trop trop grave, dites-vous bien qu'après quelques petites discussions, j'ai évoqué mes racines du nord-ouest de la France et j'aurais dit que j'avais grandi en Bretagne. Vous savez ce que c'est entre cousins, vous savez, docteur. Bien sûr. Étant le même cousin. Et donc tout s'est mieux passé et ils m'ont mis dans une autre cellule. Et alors là, je tiens à vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment, c'est un peuple qui sait recevoir. Hein, ça, je suis en train de battre mon record de Guinness, de Kilkenny, de fléchettes aussi, mais ça j'en parlerai après. On vient de lancer un tournoi de fléchettes. En tout cas, c'est une formidable cellule dans laquelle je me trouve, avec tout un tas de gens rasés aussi également. Il y a là Marilyn Monroe, Claude Lévi-Strauss, Thierry Roland qui est là aussi. Arun Taziev est là, Elvis. On se marre pas mal la gueule, je tiens à vous le dire. Il y a John Lennon qui est tout chauve et tout. Il n'y a que Claude Lévi-Strauss qui a des cheveux, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, je vous rappelle plus tard, là, on me sert un verre et puis je vous ferai écouter un peu de musique parce que ça envoie de la musique grave par ici. Bah écoutez, merci shérif, on est vraiment rassuré ici en studio. Et comme c'est la mi-temps, docteur, je vous propose de rebondir tout de suite sur un sujet qui nous tient à cœur. Puisqu'il s'agit d'un ancien joueur de foot de l'Olympique de Marseille qui se trouve être aussi irlandais. Il s'agit de Tony Cascarino. Oui, merci mon cher Manuel, merci shérif, nous sommes vraiment soulagés là, vraiment. On va transmettre toutes ces informations au CA de Radio Galère qui se déroule en ce moment pour cette éventuelle caution. Mais le shérif a l'air bien, hein. Je pense que la caution ne s'est pas pressée non plus, il a une connexion téléphonique. Donc, on verra plus tard. Alors pour l'instant, on va présenter un sujet sur Tony Cascarino. Donc ce sujet nous est présenté par Didier, couramment surnommé Antoine, qui est un ancien espoir du ballon rond. Numéro 10 du Ligue UG Football Club, Didier se targue de n'avoir jamais loupé un coup franc en catégorie poussin et pupille, et quel que soit l'emplacement de la faute. Nos investigations auprès de Jean-Paul Gomez, actuel entraîneur de Ligue UG et accessoirement finaliste du 10 000 mètres des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, semblent corroborer les dires de notre chroniqueur du jour. Par ailleurs, docteur, si je vous coupe un court instant, il me semble que vous avez déjà évoqué le cas de Didier lors d'une émission précédente, et que Robert McLean Wilson, lui-même, un de nos anciens invités, corroborait également cette version. Doublement corroboré. Fabuleux. Donc, hélas, la carrière de Didier n'a pas toujours été rose, dira-t-on, puisqu'après son transfert à Paris en 2004, Didier connaît une longue... des vagabondages, une sorte de Bohemians, Rovers, peut-être même une déchéance sportive qui le mène au Bayer Leverkusen, une équipe de football à 7 où il a parfois la chance de figurer sur la feuille de match, encore que souvent sur le banc. Après sa rupture du tendon d'Achille, à l'instar d'un Sidney Govou, mais rien à voir avec l'hygiène déplorable de ce dernier, Didier connaît une véritable descente aux enfers au cours de laquelle il s'interroge sur la suite à donner à sa carrière. Durant les 4 derniers mois de rééducation, Didier, chiropracteur de métier, n'a pas écumé les cours de tennis en fauteuil à la manière d'un certain Thomas Muster. Il s'est aussi penché sur les dessous du sport, sans plus d'attendre, donc une réflexion approfondie de Didier sur l'Irlandais Tony Cascarino. Donc, bonsoir. Alors, quand on m'a demandé d'évoquer la personne de Tony Cascarino, j'ai évidemment lu l'ensemble de la riche littérature se référant à lui. Dans le petit condensé biographique qui en ressort, je mentionne les points de détail de sa carrière, sur sa personnalité, son caractère, etc. Et comme à chaque papier qui m'est demandé, pour à la fois respecter la personne et surtout ne pas se retrouver avec un mauvais procès, j'envoie mon document à l'intéressé. Et là, en fait, je me retrouve avec une réponse étonnante, non pas parce qu'il veut revenir sur ce que j'écris, comme cela arrive fréquemment, mais bien au contraire, il vient enrichir mon travail en me parlant de lui, des différents moments de sa vie, de footballeur, sa vie de famille, ses valeurs, ses erreurs. Je me suis dit que je ne pouvais pas me passer de certains éléments de sa réponse. J'aurais pu me contenter du travail effectué avant la réception de son courrier, mais c'était impossible. Ces tranches de vie, premièrement, illustrent bien mieux sa personne que des faits rapportés, voire déformés. Sans remettre sa parole de champion des deux en doute, car je ne sais pas si ce qu'il me raconte est véridique, mais si vous voulez en avoir le cœur net, je vous renvoie à la foisonnante bibliographie sur Tony Cascarino, et tout particulièrement à l'ouvrage passionnant intitulé « Cascarino, ce héros », écrit par Dominique Grimaud. Alors, je ne vais pas lire toute sa lettre, il m'en a quand même écrit un peu plus de 7 pages, dans un français plutôt correct, mais juste certains passages choisis qui me semblent importants. « Cher Didier, c'est avec plaisir et fierté que je te réponds par la présente suite à ta demande de parler de moi dans l'émission « Débattons dans Guirou » sur la fréquence de Radio Galère. Je ne peux m'empêcher de dire l'honneur que j'ai eu de pouvoir fréquenter le football français durant plusieurs années. Entre autres, évidemment, le Red Star, là où j'ai fini ma carrière. Marseille, où j'ai passé des moments magiques en deuxième division. Et aussi le club mythique de Nancy, club où a débuté le fameux joueur Michel Platini, désormais président de l'UEFA, et Olivier Rouillet, consultant à Canal+. Je compte encore quelques contacts en France avec d'anciens coéquipiers. J'ai par ailleurs reçu, il y a quelques temps, un texto de Vincent Oignon qui me disait « Courage, toi et tes frères, pour cette sale histoire de fusillade devant cette boîte de nuit. » Je lui ai répondu en plaisantant que j'étais déçu de son orientation de carrière vers le proxénétisme. Il m'a renvoyé « Va te faire foutre, connard ». Ces textos sont toujours délirants et j'aime cet humour qui me rappelle mes origines. Tant que j'y pense, si tu pouvais m'expliquer un de ces textos, j'en serais ravi. Ou il me demandait si mon mulet était en forme. Je te remercie d'avance. Bien sûr, parmi les plaisirs dont j'ai pu profiter en France, il y a sa culture, ses monuments historiques, sa littérature et surtout sa gastronomie. Je n'ai pas manqué par ailleurs d'aller au fameux flunch de la zone commerciale du Grand Littoral lors de ma venue à Marseille pour le jubilé de Marcel Dib, auquel j'étais invité suite au désistement de Bernard Pardoux. D'autre part, et je le tiens à l'évoquer, je vis actuellement selon mes vraies valeurs, qui se sont un peu égarées pendant ma carrière de footballeur. Nombreuses opportunités de contrats avec différents sponsors et autres projets de publicité me sont proposées. Je les refuse tous. Cela m'aiderait certainement financièrement, mais je crains certaines dérives, comme il est souvent le cas avec d'actuels ou d'anciens footballeurs. J'ai vu l'autre jour, dans une publicité pour une marque de téléphonie Marcel Desailly, il m'a fait de la peine. D'avoir des moyens financiers aurait certainement permis à mes enfants de faire de longues et brillantes études. Mais cela, je pense, les aurait détournés des joies et des valeurs du travail à la chaîne. De mon côté, je travaille dans une usine de papeterie, qui, contrairement à de nombreux secteurs, ne connaît pas la crise. L'idée d'avoir de l'argent m'aurait probablement poussé à quitter mon patron, qui en m'exploitant, construit une fabuleuse carrière. Qui suis-je pour mettre en difficulté cette belle ascension? Sur ces merveilleux moments d'échange, je vous souhaite une bonne émission sur le football irlandais. Merci à vous, Tony. Et c'est Didier qu'on remercie du coup beaucoup pour ce reportage téléphonique qu'il nous livre. C'est un reportage touchant, docteur. Et le personnage de Tony Cascarino, qu'on imaginait plutôt comme une brute épaisse irlandaise, à la hauteur de ses statistiques, rappelons-le, 70 buts en 105 matchs au Vélodrome, enfin du moins pour l'Olympique de Marseille. Et puis finalement, voilà, c'est un type fin, c'est un type courageux, honnête, Et Didier nous livre un beau portrait. Oui, moi je tiens à remercier d'ailleurs la contribution de Didier, ce qui prouve qu'on peut louper sa carrière de footballeur et finalement être un très bon analyste. Et ça, c'est tout de même touchant pour les jeunes joueurs qui nous écoutent, par exemple. Je pense que c'est une excellente leçon. Et bon, donc merci à Didier et courage pour les jeunes joueurs qui quittent les centres de formation. C'est montrer que la reconversion est possible. La reconversion est possible, bien sûr. Et Didier est un exemple pour cette jeunesse. Oui, docteur. Oui, donc ce Tony Cascarino dont vous me parlez, là, bon, quelques souvenirs de Tony Cascarino. Tony Cascarino, irlandais, anglais, pas vraiment, italien. Il semblerait que notre invité se soit un peu penché sur la question de Tony Cascarino. Il s'avère évidemment que Tony Cascarino n'est pas un nom à proprement irlandais. Il n'y a aucune connotation gaélique, ni écossaise, ni anglaise à l'intérieur de ce nom-là, puisqu'en effet, c'est un nom italien. C'est un nom italien, ça va de... Ni plus ni moins. Ça va de soin. Cascarino. Et en l'occurrence, il s'agissait que Tony Cascarino était bel et bien un Italien qui s'est fait passer pour irlandais durant toute sa carrière pour pouvoir profiter en fait, de l'effet celtique. De la vague Tiger Celtic, qui lui permettait en fait, de pouvoir briller sur les stades, même sans taper sur le ballon. Par rapport à cette chose-là, il y a tout un mouvement en fait, que j'ai pu analyser en tant que touriste en Irlande, hein, je le rappelle. Puisque c'est l'une de vos spécialités, Jérémy. D'être touriste principalement en Irlande, ça dépend évidemment des étés. Bien sûr. C'est de voir justement qu'il y a une grande vague celtique où les Irlandais même sont touchés puisque tentent en fait de devenir celtiques, sachant que les Celtes en l'occurrence sont morts depuis plus de 2000 ans puisque ils ont été également eux-mêmes les nobles perdants de l'histoire puisqu'ils ont été écrasés tour à tour par les Romains et par toutes les vagues de succession de Huns et de Visigoths qui leur tombèrent sur le crâne. Et pourtant, les Celtes, on les aime, on les admire, et Tony Cascarino a profité aussi de cette vague pour pouvoir se faire, en quelque sorte, un petit peu mousser. N'est-ce pas là la beauté de l'identité celte, puisqu'on peut, en fait, devenir celte en s'appelant Cascarino ? Absolument, absolument. Moi-même, en fait, à partir d'un certain moment, je commençais à sentir titiller dans mes tréfonds, cette nécessité impérieuse de chanter en gaélique, de chanter même en breton, puisqu'il s'avère que même moi aussi, comme notre ami Shérif, j'ai des racines bretonnes que je suis allé chercher parfois, en les trouvant plus ou moins. Et du coup, en fait, à travers ce voyage en Irlande, petit à petit, j'approfondissais en fait, mes racines celtes. Et au fur et à mesure, j'étais capable comme ça, de pouvoir faire comme les Celtes dans le passé, c'est-à-dire à peu près la même chose que les autres êtres humains, taper sur le crâne des autres et couper des têtes. J'ai pu vraiment vivre une expérience, une intensité humaine, une intensité tragique grâce à la culture celte en Irlande. Merci Jérémy pour ces précisions. Pour être complet sur le sujet, docteur, il y a peut-être deux points de biographie sur lesquels on pourrait revenir concernant Tony Cascarino. Parce qu'avant d'être footballeur, il n'était pas footballeur. Alors, non, il pratiquait un métier auquel les footballeurs sont sensibles. Un métier qui attire plus d'un jeune des centres de formation. Chaque dimanche, un métier de ciseau qu'il a parfois pratiqué sur le terrain, mais qu'il pratiquait aussi dans des petites boutiques. Donc Tony Cascarino était d'abord coiffeur avant de devenir maçon. Tony Cascarino qui a déclaré un jour « I'm a fake Irish », je suis un faux Irlandais, voilà. Mettant là en doute la validité de sa qualification pour porter le maillot vert. Voilà, donc... cher à Laurent Jalabert, je crois. D'autres éléments sur Tony Cascarino, peut-être mon cher Manu, il y a notamment cette phrase des supporters qui alors, est importante. Voilà, et là c'est à Magic que je m'adresse, puisque évidemment pour préparer cette émission, on a mené l'enquête, on a cherché l'Irlandais, on a écumé les rues et les lieux de Marseille qui nous ramenaient à cette culture. Et alors évidemment, l'Irlandais est fier et se laisse très peu enregistrer, mais par contre, il peut être bavard autour d'une Guinness. Et avec Magic, on a recueilli la confidence d'un supporter de l'OM qui a bien connu l'époque où Tony Cascarino sévissait sur la pelouse du Vélodrome. Et il nous a raconté qu'un slogan tombait souvent des tribunes. Magic. Oui, oui, tout à fait. Et c'est l'année 96-97, le championnat 96-97, là où le... Peut-être un tout petit peu avant, mais oui, c'est, on, un petit peu avant. C'est pas grave. Oui, enfin, c'est la dernière année où ils sont en D2. Et où il remonte et où Cascarino commence à être connu, non seulement à Marseille, mais aussi dans toute la France. Et à ce moment-là, les gens commencent à chanter en anglais en son honneur. Et notamment, on a pu découvrir les paroles d'une chanson sur une grande banderole au Vélodrome qui disait « We don't need another hero, we've got... » Tony Cascarino. Et pour vous dire toute l'admiration que le peuple marseillais, le peuple de l'Olympique de Marseille vouait à ce joueur qui est arrivé totalement inconnu et pour lequel le public était très sceptique et qui a su Celtique, il était Celtique. Mâchez vos mots, mon cher Magic. Et je crois que cette phrase résume assez bien un petit peu le parcours de Tony, un vrai héros dans les cœurs. Et ce qui lui donne finalement aujourd'hui la légitimité pour être critique quant à l'Olympique de Marseille des années 2010 et notamment quant au recrutement. Docteur, cet après-midi, comme ça, au débotté, nous sommes tombés sur une interview de Tony Cascarino. Oui, ou plutôt hier après-midi en réalité, en lisant un de nos quotidiens hebdomadaires favoris. On ne va pas le citer, mais un journal qui c'est respectable, pas forcément mais respectable, cas, mais qui a le mérite de paraître le dimanche, donc de faire travailler les gens principalement le samedi. Bon. Et dans cette interview, Tony Cascarino ne mâche pas ses mots au sujet d'un joueur britannique, pour le coup, qui vient d'arriver à l'Olympique de Marseille, et on va le citer. Tenez, docteur. Par exemple, à la question du journaliste, l'OM, est-ce vraiment le meilleur endroit pour le calmer? Et évidemment, vous l'aurez compris, on parle de Joey Barton. Tony Cascarino a... Ah, Brett, à vous la parole alors. Oui, bien. Ragazzi. Brett, on vous entend. Ah, c'est cool. On vous entend aussi, c'est bien. Alors, Brett, racontez-nous un petit peu, vous êtes en reportage en ce moment en Italie, non ? Tout à fait, je suis en reportage en Italie, en convalescence bien sûr, mais du coup, en reportage, et écoute, je viens d'arriver à Naples. Très bien. Fort bien, footballistiquement parlant, très intéressant, mais pas que, et je disais à notre ami Chérif que je sors d'un resto totalement hallucinant, on est blindé de vin blanc et d'huile d'olive, mais... Mais c'est très très bien, et vous, comment ça se passe? Ah, nous, ça se passe très très bien. Oh, là, vraiment, l'ambiance est formidable. Vous nous manquez, mais bon, l'important, c'est que vous puissiez nous évoquer tout de même ce qui se passe actuellement dans cette folle cité napolitaine qui ressemble étrangement à la cité phocéenne, en mieux, peut-être. Ah, douce voix. Ça ressemble à la cité phocéenne certainement, mais en question footballistique pas du tout, alors que par contre Rome a l'air de ressembler beaucoup question footballistique à Marseille, parce que les gens sont aussi dépités d'être supporters romains, m'a-t-on dit, que les supporters marseillais. Il paraît que c'est une similitude que les Romains donnent aux Marseillais. Ah, très bien, bah, écoutez, on en parlera à votre tour. Ça me fait un petit peu penser aux supporters de l'Atlético Madrid aussi, qui ont un petit peu le même rapport, nos amis les colchoneros. Mais c'est pas toujours facile. Alors, dites-nous, Brett, pouvez-vous nous parler un petit peu des reportages que vous allez ramener dans vos valises de ce voyage de travail, bien sûr, hein, tout frais payé par Radio Galère. Alors, pour ce qui est de la question centrale qui était les scandales du calcio, pour le moment, motus et bouche cousue au niveau des Italiens, mais c'est pas très loin. Vous ne pouvez pas en parler tant que vous êtes sur le territoire, j'imagine. Bien sûr. Puis la longue amitié franco-italienne reste en vigueur sur place. On se parle beaucoup, on s'apprécie énormément et il y a plein de choses à se dire. Sinon, des questions peut-être sur l'AS Roma et la Lazio de Rome, les différences et les questions qui nous intéressent sur les supporters de la Lazio. Et puis j'arrive en Naples, donc j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer des gens, mais certainement. Entre nous, Brett, vous m'entendez? Entre nous, en fait, vous êtes à Rome, pas à Naples. Je suis à Naples depuis. Depuis hier soir. Vous appelez d'où, Brett? Je connais bien la cité napolitaine. Vous appelez d'où? Écoute, nous sommes à proximité de la Via Toledo dans un cybercafé tenu par un Indo-Pakistanais parlant anglais couramment, qui est assez pratique. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici, mais ouais. Vous connaissez la Via Toledo, docteur, j'imagine. Je connais là, la Via Toledo. La Via Toledo, bien sûr, la Via Toledo. Il connaît surtout la Fiat Toledo, mais la Via Toledo un petit peu également. Je préfère l'Ibiza. Je crois que ça vient de là aussi. En plus, la Via Toledo n'a rien à envier pour continuer dans les comparaisons avec la cité phocéenne, à notre magnifique Via Saint-Ferréol. C'est de toute beauté. De toute beauté. Alors Brett, puisqu'on vous a en ligne, on profite de l'occasion pour vous envoyer directement avec Magic, qui est donc au Talact Stadium de Dublin, qui suit une rencontre de haute volée. Il avait un mot à vous dire. Ah ben, je veux bien, Magic, je vous écoute. Allô, vous m'entendez? Parfaitement, Magic. Ah, mon cher Brett, écoutez, on vient de m'avertir que vous étiez en train de téléphoner sur Radio Galère. Je tenais à vous remercier déjà d'avoir pris ce temps pour nous appeler, et particulièrement, Brett, cette cure d'amaigrissement, alors. À merveille, je fonds comme neige au soleil, c'est extraordinaire, et mes plaies se remettent. Je pense que c'était donc aussi une vilaine plaie. C'était une vilaine plaie et une vilaine brûlure, mais je n'aurai aucun stigmate. Très bien. Alors, parce qu'on vous attend pour le championnat là, qui va reprendre, là, vous savez. Oui. Il n'y a pas de championnat en ce moment, c'est la trêve internationale ici, donc on s'emmerde un peu, en fait, il n'y a pas de football. Quoi. Mais sinon, c'est très bien. En tout cas, j'ai vu que les Italiens avaient fait 2-2 contre les Bulgares, ça avait l'air passionnant. Et ce match irlandais, Magic? Eh bien, écoutez, nous jouons les 10 dernières minutes de ce match. Nous jouons à la 80e minute et toujours 1-0 pour les Bohemians, ce qui est une grosse surprise. Un but de à la 45e minute. Pour l'instant, ici, on n'y croit pas. Hein. Le public est toujours contenu dans une espèce de respect du football et des joueurs, mais il semblerait que ce score pour l'instant ne satisfasse pas l'intégralité des gens présents ici. On commence à entendre des petits cris et une certaine forme de rage qui commence à naître ici au sein du public, puisque les Shamrocks, les grands favoris, eh bien, sont complètement menés et n'acceptent pas la domination, parce que il faut le dire, tant au niveau du jeu qui est pratiqué, qui est un jeu tout à fait moderne, de petites passes, même si le kick and rush, comme je disais au début de l'émission, est toujours dans l'esprit de ce football. Eh bien, écoutez, le football des Shamrocks Rovers, face aux Bohemians, c'est tout à fait prosaïque, et c'est tout à fait logiquement que les Bohemians de Dublin mènent ici 1-0. Voilà pour l'état du match. Est-ce qu'on... Magic, pour l'instant, le shérif ne vous a toujours pas rejoint. Hein. Alors non, alors j'ai appris en cours d'émission qu'il avait été incarcéré à Santa Monica Prison, ici à Dublin. Je ne sais pas quand la voiture de l'équipe Galère va pouvoir revenir, mais je pense que ça va bien se passer. Je suis prêt en tout cas à prendre 2 jours supplémentaires. Je devais revenir à partir de demain et prendre l'avion. S'il faut tenir... je tiendrai. Merci Magic. Alors, on va garder Brett en ligne avec nous, mais on va, docteur, éventuellement lancer un nouveau sujet pour rebondir. Comment, Brett? Je me disais, vous avez des sujets ce soir. En fait. On a des sujets. Et mon cher Brett est brûlant. Quand, hein. Et quand on choisit d'évoquer l'Irlande, on ne peut pas complètement évincer l'une des dernières rencontres entre la République d'Air et la France, qualificative pour le Mondial 2010, qui s'est terminée vraiment de la plus sale des manières. Et on se souvient d'un but entaché d'une main de Thierry Henry. Et on avait un petit peu envie de se repasser l'interview de Thierry Henry juste après le match. Oui, Yamin, comme je disais tout à l'heure à vos collègues, et notamment les collègues irlandais, difficile à accepter. Si vous revoyez les images, c'est Toto qui va à la tête avec deux Irlandais, je crois. Et moi, je fais le tour. Quand la balle rebondit, elle me tape la main, elle reste devant moi, forcément je centre. Après, comme je disais à vos collègues irlandais, je ne suis pas l'arbitre pour décider. Je ne sais pas non plus s'il y avait pénalty sur Nico ou pas aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur. Je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe irlandaise qui a joué un match extraordinaire, même si je sais qu'à l'aller, quand je disais que c'était une bonne équipe, les gens ne le croyaient pas. Ils ont démontré que il méritait aussi d'aller en Afrique du Sud. Et, ça vous a donc, pas gâché un peu le plaisir, vous avez vu parler à la fin aux Irlandais pour aller répondre? Non, ben c'est normal. Vous savez, j'ai perdu une finale de la Coupe d'Angleterre sur une main de Stephen Anshaw sur la ligne que l'arbitre n'a pas vue. Tout le monde l'a vu sauf l'arbitre. Voilà, c'est pour ça que c'était quand même la moindre des choses. Est-ce que vous avez imaginé un instant le dire à l'arbitre? Est-ce que c'est... Ouais, je l'ai dit après. Mais sur le moment? Alors que j'arrête, je lui parle et puis je centre. Vous êtes marrant. Non, mais j'ai pas non, vous êtes marrant. Le match ce soir a été le reflet des deux ans. On est passé dans la difficulté. Maintenant, je pense que le match reste international. Mais c'est une qualification qui se joue à l'aller et au retour. On a fait ce qu'on avait à faire à l'aller, malheureusement un peu moins bien, beaucoup moins bien à la maison. Mais à l'arrivée, on passe. On est content de se qualifier. D'un autre côté, fatigué. Parce que cette équipe d'Irlande nous a poussé jusqu'au dernier moment. Et je le savais très bien que ça allait se passer comme ça, avec leur façon de se battre jusqu'au bout. Ça n'a pas été évident vraiment. Mais bon, il y avait beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, mais c'est bien. Merci à la technique de nous avoir permis d'écouter ces justifications un petit peu minables de Thierry Henry. On avait au début choisi de passer un son, une interview d'un philosophe français, Olivier Pourriol, qui évoquait ce mauvais geste aussi de Thierry Henry. Mais bon, malheureusement, le problème technique que nous avons eu ce soir font qu'on va un petit peu raccourcir ce dernier sujet. Mais docteur, on voulait quand même un petit peu parler de la façon dont Thierry Henry s'est maladroitement justifié de son mauvais geste. Et avec Jérémy, nous évoquerons, pour rebondir, la particularité qu'ont les supporters irlandais de bien encaisser la défaite. Docteur, je vous laisse d'abord intervenir. Alors oui, bon, un autre aspect qui n'a pas été évoqué dans cette émission, c'est notre rubrique cinéma et football. On aurait souhaité parler de The Van, qui est un film de Stephen Frears, dont on reparlera éventuellement plus tard, mais qui traitait de la formidable campagne de l'équipe d'Irlande lors de la Coupe du Monde 90. Lors de cette compétition, les Irlandais sont arrivés en quart de finale brillamment, en ne remportant aucun match, mais en n'en perdant aucun. Donc ça souligne une nouvelle fois ce côté fantastique perdant dont on parlera avec Jérémy. Néanmoins, l'affaire qui nous parle ici, c'est celle de Thierry Henry. Alors Thierry Henry, bon, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de buts en équipe de France, c'est le record de Michel Platini dépassé, crois-je, hein, n'est-ce pas, Magic? Oui. Oui, tout à fait, c'est oui, le record man des buteurs pour l'équipe de France, oui. Oui, merci Magic. Donc voilà, c'est un buteur. Moi, je ne trouve pas que ce garçon ait beaucoup de classe, hein, je l'ai déjà dit dans cette émission. Je pense tout de même que nous avons des attaquants un peu moins cotés, mais parfois plus valeureux. Je pense à des gens comme qui ont peu porté le maillot, comme Tony Vérel, par exemple, ou d'autres attaquants un peu plus... avec plus de cœur, je trouve. Quand je pense à Jean-Pierre Papin, par exemple, je ne peux m'empêcher de voir là un joueur avec du cœur, finalement, et c'est ce que j'aime. Michael Madar, en ancien du RC Strasbourg et du Paris Saint-Germain, crois-je, une saison, non, je ne sais plus trop. Certainement. Oui. Oui. Certainement. Oui, oui. Donc voilà, nous avons quand même effectivement un problème en ce moment au niveau de nos attaquants, je crois. Hein. Il y a un réel problème. Je ne veux pas me faire l'écho des Cassandres qui voient le déclin du football français, mais tout de même, des comportements comme ceux-ci ne font rien pour rien. Donc Jérémy... je vous en prie. Oui, donc là je tenais à revenir. Moi, comme je vous ai dit, je connais peu de choses au football, sinon d'avoir été humilié par ce sport. Mais du coup, arrivant en Irlande, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui parlaient de football comme tout le monde à travers le monde. Et j'avais besoin des bases. Les bases à savoir, en fait, c'était que justement, ils venaient de perdre ce match pour la qualification à l'Euro. Et que par rapport à cette chose-là, en fait, ils avaient une grande fierté d'avoir perdu ce match de manière très honorable, puisque toutes les télévisions du monde s'étaient réjouies du fait que toute la tribune irlandaise s'était mise à chanter en chœur avec une grande force nostalgique face à la défaite de leurs joueurs. Par rapport à cette chose-là, du coup, ça revient à cette histoire de noble perdant. Et je me disais, je voulais aller un peu plus loin et tenter la transformation en parlant justement de ce qui se passe en Irlande du Nord. Ou en Irlande du Nord, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est pas la même chose qu'en Irlande du Sud, vu que justement là-bas... Pop, pop, pop, pop, pop, pop. J'en profite pour faire un rappel technique. C'était le pop, pop, pop, pop. Par rapport à cette chose-là, en Irlande du Nord, justement, il y a eu pendant très longtemps un combat en dur... et un combat médiatique entre les protestants et les catholiques, qui étaient également les unionistes et les loyalistes, qui étaient également les républicains, et tout ce truc-là était un petit peu mélangé. Mais ce dont on a pu se rendre compte là-bas en tant que touriste, c'est que c'est à nouveau, d'une certaine manière, peut-être on pourrait dire les perdants réels de ce combat, à savoir les catholiques républicains, qui ont gagné la bataille médiatique, et encore une fois sur cet effet d'annonce qui a été fait par Bobby Sands, justement, qui est un des prisonniers de cette période-là. Un des prisonniers de cette période-là qui s'est laissé mourir de faim après 66 jours en fait, de grève de la faim, il est mort. Et qui disait lui-même, qui disait c'est le sang de nos vaincus, le sang de nos martyrs qui vont nous permettre de gagner cette bataille. Et encore une fois, du coup, c'était les perdants et ceux qui prennent cher, c'est ceux qui saignent abondamment et c'est ceux qui se laissent avoir, qui gagnaient en sens où ils avaient une sorte de pureté, de pas s'être retrouvés avec les oppresseurs, et qui faisait que ils avaient l'admiration des réseaux médiatiques, etc., dans le monde entier. Donc ils ont gagné, en l'occurrence, médiatiquement, les catholiques, et ça leur a permis en fait, d'avoir des subventions pour reconstruire leur quartier, etc. etc. Voilà, c'était la contribution touristique du facteur aujourd'hui. Je vous remercie pour cette invitation et je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. On a tout de suite envie quand même de rebondir avec le shérif Bradley tout de même, qui, vous parlez beaucoup du football... de l'Irlande catholique finalement, et on se souvient que le shérif a déchiré des images du pape, ce qui lui vaut actuellement d'être en garde à vue. Ah mais on a un signal du stade où le match est en train de se terminer, j'ai l'impression que le shérif est de nouveau parmi nous. Allô ? Oui, shérif, oui. Allô, j'ai récupéré un téléphone, alors je veux vous dire que je suis encore dans cette cellule formidable. Ah. C'est assez incroyable, figurez-vous que donc, Claude Lévi-Strauss, c'est bon, vraiment lui, a dépassé son seuil de Kylian, mais bon, on l'excuse, hein, c'est normal. Et ouais, Claude, j'arrive. Excusez-nous, c'est à moi de jouer au fichette. Juste pour vous dire qu'ici, vraiment une cellule incroyable. Il y a les Undertones, alors je ne sais pas si vous connaissez les Undertones, c'est un peu un groupe mythique en Irlande qui est. Un groupe qui a pris parti politiquement, notamment bon, plutôt justement contre la mainmise du gouvernement britannique dans les affaires extérieures de l'Irlande du Nord et du Sud. Undertones, donc groupe, fameux groupe de punk rock de la fin des années 70, ils commencent en 76-77, ils se sont reformés et puis ils sont avec nous là ce soir. Et c'est marrant, ils vont nous jouer leur gros tube, hein, enfin disons l'un de leurs gros tubes. Ils sont un petit peu connus pour Here Comes the Summer, que vous connaissez sans doute, docteur Manuel. Et je sais pas si et comment et comment et comment mais ça, oui bien sûr c'est l'été. Je sais pas si Magic nous entend, mais je pense que lui aussi connaît Here Comes the Summer. Je me demande si Brett lui nous entend aussi jusque là bas quoi, du côté de je ne sais pas trop. On a un signal mais et en tout cas donc ce sera pas Here Comes the Summer qu'on va écouter ce soir, c'est Teenage Kicks qui est la chanson préférée d'un des plus grands disc-jockeys de l'histoire de la radiophonie anglaise, à savoir Monsieur John Peel, qui est avec nous aussi et qu'on salue. Hi John, fine, yeah, I come in a few minutes. Et qui est chauve aussi, forcément, qui déchire des photos du pape en veux-tu en voilà. Et pourtant, c'est très dangereux. On s'est tous fait arrêter pour crime de lèse Sinéad O'Connor. Hein. Il ne faut pas rigoler avec Sinéad O'Connor, qui elle aussi est une superstar en Irlande. Et on n'imite pas Sinéad O'Connor comme ça pour rien. Donc déchirer les photos du pape, oui, mais avec le crâne rasé, non. Et en tout cas, donc on va écouter Teenage Kicks. Teenage Kicks, la chanson préférée de Monsieur John Peel. On reparlera de John Peel, j'espère, dans une autre DBGDR, notre débatton d'Anguirou, parce que c'était quand même un des plus grands DJ, j'ai dit, de la BBC, et qui était un grand fan de football, et notamment de Manchester. Un bon vieux Teenage Kicks, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur. Avec plaisir. Allez, à la vôtre. Eh bien, nous sommes ravis d'avoir d'abord entendu The Undertones, mais en plus d'avoir eu des nouvelles du shérif. Mmh. Ouais, et bien sûr, le titre Teenage Kicks correspond bien à notre ami le shérif, cet adolescent de toujours. Hein. Oui, et bon, on ne veut pas rappeler sa profession en plus, non. Voilà. De toute façon... Ce docteur, qui nous intéresse là ce soir, c'est le football. C'est le football. Et c'est les Shamrock Bohemians. Et on retrouve en direct Magic, en direct du Stalag Stadium. J'ai failli intervenir tout à l'heure pour vous dire que le match était terminé, mais vous étiez en pleine musique. Une formidable musique d'ailleurs. Et donc, pour vous dire que le match est terminé ici au Tallaght Stadium de Dublin et que contre toute attente, eh bien, le Bohemians ont gagné ce match. de un but à zéro marqué à la toute fin de la première mi-temps. Donc voilà, ici les spectateurs ont commencé à partir. Mais je crois que dans ces conditions, on va tous les retrouver dans les pubs d'à côté. Et je vais aller me renseigner sur la Santa Monica prison ici à Dublin pour essayer de retrouver au plus vite notre ami shérif pour écoutez, pour essayer de faire la fête avec. Vous restez combien de jours à Dublin Écoutez, normalement, si tout se passe bien, je devrais repartir demain. Mais voilà. Inch'Allah, comme on dit voilà, à Dublin. Une clause avec la radio où il faut que je reste s'il y a un problème 4 jours, donc voilà. Merci Magic, éventuellement on reviendra vers vous en toute fin d'émission si vous arrivez à avoir une interview, mais c'est le moment de conclure, et avant de conclure, la géopolitique et le docteur Lehmann. Docteur Lehmann, vous êtes un ancien chorégraphe, nous l'avons dit, mais aujourd'hui ce qui vous préoccupe, c'est la géopolitique du football. Et ce soir, les Rovers et les Bohemians vous ont inspiré. Shamrock Bohemians, juillet 2012. J'ai encore en mémoire les quolibets des aficionados du ballon rond qui fusèrent à l'occasion de l'annonce de la nouvelle grille horaire de Radio Galère. En effet, l'émission phare de football et culture reléguée un lundi soir à 21h30, voilà de quoi réveiller le petit peuple phocéen. Profitant d'un repos bien mérité, eut égard aux efforts consentis les mois précédents, aux charges accumulées, aux heures, même de nuit, non comptées, ce fut donc avec inquiétude, non, que dis-je, angoisse, que j'entendis grossir la rumeur. Je m'accrochais pourtant au repos estival, comme le général à son silence emmuré, avant qu'une clameur trop pressante ne me contraigne à pointer mon nez au balcon du cabinet. Hooligan méticuleusement épilé, intellectuel endimanché, pétangueurs empégués, cireurs de crampons dévissés, le vieux porc grouillait alors d'une populace chez qui le désarroi le mêlait à la colère. Et sur toutes ces bouches trop peu couronnées, tordues par la douleur, la même question. Pourquoi diable débattons d'Anguirou quitte-t-il son créneau du mardi pour se fourvoyer un jour plus tôt, un jour trop tôt? Seul face à la foule en liesse, n'écoutant que mon cœur battant pourtant la chamade, je m'élançai dans un plaidoyer tout en vibrato, le ponctuant en m'écriant « Dimanche c'est foot, lundi c'est dimanche !» Les quidams marseillais en restèrent bés, transis par la violence du propos. Certains d'entre eux reconnurent même là l'adage « smarvois ». Smarvois, pour information, qualifie ce qui provient de smarve, bourgade poitevine où sévissent encore crampons de 18, pieds décollés du sol et apéro carabiné, et dont nous aurons l'occasion de reparler en cours de saison. Bref, lundi c'est dimanche, et c'est encore football, donc. N'en déplaise à nos concurrents des radios commerciales tenant pour l'instant le haut du pavé sur ce créneau horaire où Galère s'affirme pourtant comme un solide prétendant. Qu'importe les coups fourrés des nouveaux potentats du PAF qui ont jeté l'opprobre sur les divisions inférieures, encore qu'on se réjouisse, un tantinet, du remplissage du stade monégasque le lundi à 18h. Quoi qu'il advienne donc, nous resterons arc-boutés sur nos valeurs d'amateurisme, de dilettantisme, de fair-play, voire de beau jeu. Bien que nous puissions difficilement revendiquer sérieusement cette dernière aptitude, nous contentons pour l'instant d'abnégation et de kick-and-rush. Et de kick-and-rush, il a été question ce soir. Puisque pour célébrer l'amateurisme sans décérébrer un professionnalisme qui n'en a nul besoin, DBDGR entame ainsi la saison dans la suaveur des pubs dublinois. L'Irlande à l'honneur, c'est aussi une discrète dédicace à la comateuse émission mère, des bâtons dans les roues, puisque Dieu sait que les crosses de Hurling ont et continueront toujours à avoir du travail dans l'île pigmentée à la Murphy's des O'Connolly, Flaherty ou même Shane Kelly. Pour en revenir à nos moutons, loin du Connemara mais près du cœur, les Shamrocks de Dublin, sans en être les épouvantails, sont néanmoins les tenants du titre de cette Ligue Celte au final haletant. Et que rêver de mieux en ce lundi pluvieux que ce derby, cette affiche qui les oppose ce soir aux Bohemians, qui n'ont de bourgeois, on vous rassure, que le nom. Mieux plutôt que de nous intéresser aux surmédiatisés championnats européens, encore à leur babillement ou à une soporifique campagne de qualification pour le Brésil, rien de tel que le suspense inégalé et inégalable du Summer Soccer, puisque le championnat irlandais qui se déroule entre mars et novembre entre dans sa dernière ligne droite. Contrairement aux Damien Duff, Robbie Keane et autres Shane Given, les protagonistes de la soirée, dont bien sûr aucun officier en sélection nationale, ont passé le plus clair de leurs vacances estivales sur les pelouses détrempées de leur chère île, loin des tribulations d'un Anelka en Chine ou des incartades nocturnes des armadas brésiliennes de retour au pays. D'ailleurs, à force de parler brésilien, une petite digression s'impose ici pour saluer la mémoire de Brandao, un temps pressenti pour mener l'attaque de l'équipe d'Ukraine et transféré à la veille du périlleux déplacement olympien à Tiraspol. Brandao, lui aussi fidèle du fighting spirit et des boîtes de nuit d'arroseurs arrosés, continue donc son périple au cœur des climats incertains, au pays des vers qui grattent, dans le chondron de Geoffroy Guichard. Saint-Étienne, Dublin, Tiraspol même. C'est aussi ça le charme d'un football qui fait fi de la querelle des anciens et des modernes, même si l'on y voit toujours planer l'ombre du sabre et du goupillon. Car qui a dit que le football était interdit aux roues, aux alcooliques ou même aux chômeurs? Certainement pas l'équipe de Débattons d'Anguirou, ainsi qu'en témoigne la participation de l'éminent présentateur Brett Sinclair aux joutes du lundi. Et pour boucler la boucle, de retour en terre phocéenne et fêter l'accession de l'OM aux phases de poule de l'Europa League, on pourra subrepticement glisser qu'au coefficient UEFA 2013, la Moldavie double l'Irlande, les deux pays étant respectivement classés 34e et 36e championnat européen. Un OM méritant, donc, car Marseille a bravement triomphé des sécessionnistes transnistriens du shérif Tiraspol. Une victoire qui rajoute encore au crédit d'André-Pierre Gignac, qui s'est vu décerner le prix Brandao au titre de l'exercice d'août 2012 de sa profession de footballeur, rémunéré 300 000 euros ce mois-ci. Pour conclure, Shamrock ou Bohemians, on s'en fout car les deux mettent les losers à l'honneur, comme quoi ça paye de se mettre au vert, surtout quand il pleut des demi-litres et qu'il y a du roast beef à bouffer, même un lundi sur deux. Merci docteur. Écoutez, quoi de mieux pour conclure cette émission que cette chronique géopolitique engagée, qui me fait dire quand même que, puisque vous l'avez évoqué, nous traiterons plus tard du sujet de la Transnistrie, les sécessionnistes moldaves, un sujet qui nous tient à cœur, docteur. Oui. On a quelqu'un actuellement au Tadjikistan, un certain Timo, qui se penche sur le sujet, je crois. Un garçon qui a déjà travaillé... Qui a déjà travaillé pour nous. Et voilà, on avait prévu plein d'autres trucs pour cette émission. On avait prévu, comme vous l'avez dit, une chronique cinéma et football. On avait également prévu de jouer, puisque cette année, dans des bâtons d'Anguirou, nous jouerons. Ce sera pour plus tard. On lancera la semaine prochaine notre cadavre exquis de Thierry Roland, une rubrique qui ne manquera pas de piquant. Mais pour l'heure, je crois qu'on a une dernière fois le shérif en direct de Santa Monica, la prison de Dublin. Un dernier mot, shérif. Eh ben écoutez, ici tout se passe bien, hein. Vraiment l'Irlande est un pays merveilleux. Je crois que ça va être l'heure de rendre l'antenne pour la rediffusion des différentes émissions de la nuit. Juste, on a un autre groupe irlandais qui arrive ici et plutôt pas des moindres. Il s'appelle My Bloody Valentine, ils ont sévi dans les années 90 notamment. Voilà, ça s'appelle Soft as Snow but Warm Inside. On pourrait dire que c'est un peu André-Pierre Gignac, Brandao, Papin, Waddle, voire Monsieur Barton mélangé. Voilà, on peut peut-être écouter un petit Soft as Snow. Merci, shérif. On va effectivement se quitter avec ce groupe, My Bloody Valentine. Le temps de remercier notre invité. Docteur Jérémy Chaplin, merci beaucoup d'avoir participé et amené votre pierre à cette émission. À cet édifice, dirais-je. Merci. On va rappeler l'adresse de notre blog, http://debattonsdanguirou.posterousse.com. Vous retrouverez toutes nos rubriques et les émissions en totalité, si la technique le permet. C'est pas forcément sûr pour ce numéro-là. N'hésitez pas à nous écrire pour d'éventuelles suggestions, notamment à propos de notre prochaine émission. Tout à fait. Notre prochaine émission, nous gardons pour l'instant le thème secret, parce que ça va remuer, hein, on le sait. Mais bon... Probablement l'Europe. L'Europe à la page, hein. C'est rare dans notre émission, mais voilà. Nous se le permettons. Et maintenant, la parole est à My Bloody Valentine, docteur, bonne soirée. Magic, shérif, bonne soirée. Et dans 15 jours, les amis.